دعوني أناجي الرحيم. دعوني اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. بن فري بن سيا كي برمي آية قرآن تي ريفيني كي برمي آية قرآن تي ريفيني اقرأ اقرأ اقرأ اقرأ اقرأ ليا اقرأ ليا اوك بكي بوليا بس يوم كان لي بوليا هالي بوكلا كاقرأ تي ريفيلي اقرأ بسم ربك الذي خلق كاقرأ تي ريفيلي ان لو تسا اقرأ بكي بوليا بس هنا قرآن قاتنا قران كي بوليا تنو كان لي بوليا كي برمي ايات قران كي بان صحابه في عمل لولا في اكشن كي برمي ايات قران كي بان صحابه في متا باتشي اقرا بين اي بوليا كي بوليا سلم القران دي سان تنو كان لي بوليا قران ما كو كومبلي دي ابري كوميتا لو كان قران دي سان لو سايا قرآن بان صحابة في عمل الله جاء أمو نبي أمو بيانمي أمو حبيب يا المدثر أو توكي أولمي قم فأنذر وربك فكبر الله جاء أمو نبي أمو نبي كفين كوفية كفين أفلوبي كفين كوفية بكن شدر قم دبودي يا أيها المدثر أو توصلك يا فلوبي قم دبودي فأنذر وان بانتمون جيزود انفيد زود كوز افيك زود غابل زود كيبو جيزود الله دي اللوت سنبي الجل وان زود الفد دعوان افيك زود كوز افيك زود جيزود كيبو جيا كيف يكون هذا مكزود وربك فكبر كوز غالية ربك مكزود في الجمهور كون الله سو بوفو الله سو تاكت الله سو باور الله سو كاباسيتي الله سو لدوريتي aujourd'hui الجمهور نبلي كوز غالية الله الجمهور كوز غالية الأعزاء غالية باتشيما غالية لدو غالية دقري غالية سيرتيفيكا غادي الانيفيرسيتي جيمون نبلي كوز غادي الله كي الله كي فيا دو نانيي با اريفي سو ميم جون لا كي بو كوز افيك زوت او مون ابي كوز افيك زوت قوم ديبوتي فانذر علي الوان زوت وربك فكبر كوز غادي ترب كابان صحابة حد كسانة كابين ديسان بان صحابة كالك صحابة في عمل لولا أو بقال صديق رضي الله عنه يا كوز غادي الله غادي الشراب يا من ساك جمون بها دين دسوي لا دمال في دعوة كو يا من كات كومين كوز غادي الله بك دو فاميلا خاز كومين وسين ومدان نزوما كالله كي دوني ما وسي الله كي دوني La santé Allah qui donne, travail Allah qui donne, la santé Allah qui donne, maladie Allah qui donne, tout qui sont décidés par Allah, comme une cause à la case, comme une cause avec du monde. Ou bien une cause est-elle faux, est-elle terrible, quand dans la zone vous pouvez faire ça, quand dans la santé vous pouvez faire ça, non. Jésus est pour Allah. La force d'Allah, gardien d'Allah, faveur d'Allah, Allah subhanahu wa ta'ala, fi samawati wal ard, la terre est dans l'échelle pour Allah. Tu sais qui dans l'échelle, l'eau, la terre, wa ma baynahuma, lahuma fi samawati wal ard, wa ma baynahuma, tu sais qui dans l'échelle, l'eau, la terre, et ce qui est entre l'échelle, pour Allah seulement. Pas pour personne. Tout ce qui est la terre pour Allah, Tu sais qui a mal à tes pour Allah, dans la mer pour Allah, dans l'échelle pour Allah, dans le bois pour Allah. Tu sais qui est dans la terre, entre la terre et l'échelle, dans cette échelle, dans le fond de la terre, entre la terre et l'échelle, appartenir seulement à Allah, subhanahu wa ta'ala. Chaque cellule dans le corps, chaque atome dans l'univers, lui pour Allah dans la tout seul. Tu sais qui est dans l'échelle, tu sais qui est dans la terre, tu sais qui existait. Pour Allah Ta'ala tout seul. Et tout ce qui existait par permission, tout qui chose existait par permission Allah, pas la science, pas scientiste. Tout ce qui existait par permission Allah subhanahu wa ta'ala. Tout qui chose existait par l'ordre d'Allah. Tout ce qui est dans le ciel, dans la terre, l'eau, la terre, pas capable de nous dire bien. Tout ce qui est dans le ciel, l'eau, la terre, pas capable de nous dire bien, pas capable de nous dire tout. Petit atome dans le corps, qui nous pas trouvé, bonne cellule dans le corps, qui nous pas trouvé, tout bonne créature qui nous trouvé, bonne petit bébé, fourmi, refourmi, bébé, lion, lichien, l'éléphant, tout jimoun, tout jinnat, tout farista, Djibril, Mikaïl, Israfil, Israël, tout ce qui a l'ancré, pas capable de nous dire, pas capable de nous dire bien, bismillah, acceptez pas bien, Michou Allah. Personne, tout qui sort qui est dans la terre, tout qui sort qui est en bas la terre, tout qui sort qui nous trouvait, nous pas trouvé, pas capable de nous dire bien, ni capable de nous dire d'eau, pas capable de bouger. Tout qui sort, pas capable de bouger sans permission Allah. Et pas capable de bouger sans permission Allah. Tout qui sort qui peut manger, il mange pas permission Allah. Tout qui sort qui peut vivre, il vit pas permission Allah. Tout qui sort pas arrête de bouger sans permission Allah. La pluie tombe pas permission Allah. La pluie arrête de tomber pas permission Allah. Soleil dans le salaire pas permission Allah. Climat vine frais, vine sœur, pas permission Allah. La création en entier, pardonne-nous du bien, pas capable de nous du tout, excepté par l'ordre d'Allah subhanahu wa ta'ala. Personne de la création, pas capable de la vie, pas capable de la mort, excepté par permission Allah. Personne pas capable de ressusciter sans permission Allah, sans kudrat Allah, sans power of Allah. Mon frère, personne de la création pas capable de faire rien, excepté par permission Allah subhanahu wa ta'ala. Yafalou ma yasha, Allah fait ce qu'il y a envie. Yakhluqullahu ma yasha, Allah lui crée ce qu'il y a envie. Yahdi ma yasha, Allah lui donne la guidance ce qu'il y a envie. Yudillu ma yasha, Allah lui égare ce qu'il y a envie. Tout ce qui arrive dans la dunya, décidé par Allah, il a dit bien pour nous là-dedans. Tout ce qui arrive dans la dunya, et n'a dit bien pour nous là, il a dit bien pour nous là-dedans, décidé par Allah, subhanahu wa ta'ala. Dans rien de la dunya pas arrivé. D'aucun parlement n'a pas décidé, excepté par permission Allah. Personne n'a pas capable de faire rien sans permission Allah. C'est la verroule dunya. Dunya déroulée par Allah. Cause grandit Allah de la famille. Cause grandit Allah avec vous, madame. Cause grandit Allah avec vos enfants. Dieu, papa, pas amène l'argent. C'est pas travail qui amène l'argent. C'est Allah. Qui amène l'argent. C'est pas l'argent qui amène manger bon. C'est Allah qui donne manger bon. C'est pas certificat qui donne manger bon. C'est pas degré qui donne manger bon. C'est pas lauréat qui donne manger bon. C'est pas statut qui donne manger bon. Allah tout seul qui donne manger bon. Allah tout seul qui donne la richesse. Allah tout seul qui fait tout. Mon frère, Allah fait une grande richesse dans son armée tout seul. La richesse, manger bon, pas dans l'armée bien sûr. Allah fait une grande richesse, risque, la santé, maladie, tranquillité, la joie, tout ce que je l'ai seulement. Yabsudur risque à l'imaginacha. La richesse, l'influence, le statut, l'honneur, nobilité, pénalement rien à faire avec degré, avec certificat, m'aurait dit, la richesse, l'influence, le statut, l'honneur, nobilité, pénalement rien à faire avec degré, avec certificat, pénalement rien à faire avec de l'or, avec héros, avec rial, avec roupie, pénalement rien à faire avec l'université, pénalement rien à faire avec l'intelligence, pénalement rien à faire avec l'éducation, pénalement rien à faire avec business, avec travail, ben un enjeu avec l'armée, ben un enjeu avec soldats, ben un enjeu avec gouvernement. Allah donne ce qu'il y a envie. L'influence, le statut, l'honneur, nobilité, tranquillité, la paix, la joie. Ben un enjeu fait avec qui sont modernes. Et dans l'armée, Allah subhanahu wa ta'ala, il donne ce qu'il y a envie. Allah donne ce qu'il a envie. Il donne la richesse ce qu'il a envie. Il donne l'influence ce qu'il a envie. Allah donne le statut ce qu'il a envie. Allah donne l'honneur ce qu'il a envie. Allah donne nobilité ce qu'il a envie. Allah donne la pauvreté ce qu'il a envie. Allah donne manger boire ce qu'il a envie. Tout qui change seulement dans la main Allah subhanahu wa ta'ala. Respect, dignité, l'honneur seulement dans l'ami Allah. Il donne l'honneur ce qu'il a envie. Tourisme man tacha, il donne l'honneur à ce qu'il a envie. Déshonneur à ce qu'il a envie. Tu dis l'humain tacha, il donne l'humiliation à ce qu'il a envie. L'honneur, déshonneur de l'homme et Allah dans la tout seul. Parole de l'honneur à Jimoun. Parole de l'honneur à Jimoun. Parole de l'argent à Jimoun. Votre l'argent avec Allah. Votre l'honneur avec Allah. Allah qui donne l'honneur. L'honneur de l'ami Allah, déshonneur de l'ami Allah, la paix et la joie de l'ami Allah tout seul, tristesse, chagrin de l'ami Allah, la mort de l'ami Allah, la vie de l'ami Allah, tout qui sont arrivés par permission et par l'ordre d'Allah, ça arrive quand Allah désire. Tout qui sont arrivés quand Allah désire. Ça arrive quand Allah désire, les temps qui Allah voulait, de manière qui Allah voulait, pas plus qu'il y a là où l'est, pas moins qu'il y a là où l'est. Pas avant qu'il y a là où l'est, pas après qu'il y a là où l'est. Quand Allah voulait quelque chose, pas arrivé. Calme-moi bien, calme-toi, c'est là bien là. Quand Allah voulait quelque chose, pas arrivé. Mauvais dire, quand Allah voulait quelque chose, pas arrivé, même toute la force de Salomon là, même toute l'armée de Salomon là, réunie, jamais pour qu'elle fasse arriver. Quand là où quelque chose va arriver, tout gouvernement dans le monde entier, toute la force dans le monde entier, tout soi-disant super power dans le monde entier, réunis pour ça arriver, jamais ça va arriver, qui traque ou gagner. Descendez Allah sur l'envie de l'équerre, descendez Allah sur la capacité de l'équerre, sur la coudrade de l'équerre, ou bien comment on dit, j'assure dans le ciel, pas sur la mer. N'a pas pensé que Dunia roulait pour une salle. Dunia pas roulait pour une salle. Vive-moi là ce plaisir. Prenez qui soit qui nous met dans nous la vie. 24 sur 24. La parole en namaz. Super namaz dans la vie, la parole de solution. Celui qui fait 5 fois namaz, bonjour. Et Allah soit rahmat spécial, nous a dit bon là. Qu'elle lève la mérite à droit. Allah j'aime monter pour être dans mes vies. Allah j'aime monter pour être dans mes vies. Vive pour Allah son plaisir. N'a pas désobéi Allah par télévision. N'a pas désobéi Allah par la gazette. N'a pas désobéi Allah par radio. N'a pas désobéi Allah par l'idée. Pas aux oreilles. Pas aux la bouche. Pas aux l'esprit. Vive pour Allah son plaisir. Tiens les temps pour ibadat Allah. Obéis Allah. Guettez qui c'est Allah la fin ou vini. Les mots contrôlés par Allah. Tout ce qui est arrivé décidé par Allah. Il fait du bien pour nous. Attache-toi avec Allah. Vive pour Allah son plaisir. Allah pour que Mohammed dans la case. Maman, papa, ça va pour la Mohammed. La case de Dunia. Bonne jannat, puis si de la case Benadine, de la case de Namaz, la parole de solution ou la case Bonne Jannam de Dunia, Allah dans la fin de façade, donne-moi un taufik pour vivre pour Allah son plaisir, Allah s'est venu pour son obéissance, Allah s'est venu pour son hidayat, Allah s'est venu pour son obéissance, Allah s'est venu pour hidayat dans le monde entier, c'est venu pour cause Allah se rend avec tout le monde, c'est venu pour son hidayat, afin qu'on a compté avec nous dans Dunia, aussi akhirat, inshallah. Wa sallallahu alayhi wa sallam, wa alhamdulillahi rabbi. العالمين برحمتك يا أرحم الراحمين. دعوني أنا